représentation mentale du monde repose largement sur les lieux que nous avons visités. Mais leur nombre est forcément limité et surtout ils ne peuvent nous donner une perception globale de la Terre. Pour cela, nous faisons appel aux cartes. Aujourd'hui, avec Google Earth ou un système de navigation par GPS, nous obtenons instantanément une représentation de n'importe quel point du globe à n'importe quelle échelle. Il est probable que les plus jeunes ignorent déjà les affres du repliement d'une carte de France. La facilité d'usage apportée par les satellites et l'informatique masque la difficulté de projeter la géographie d'une planète sphérique sur une surface plane d'une feuille de papier. C'est l'objectif de la cartographie qui s'appuie sur la géodésie, la science qui décrit et mesure la forme et les dimensions de la Terre. Mais comment la cartographie s'est-elle développée au cours des millénaires et quel rôle historique et culturel a-t-elle joué ? Cartographie, comment mettre le monde à plat, c'est le sujet de notre émission d'aujourd'hui. Bienvenue dans la méthode scientifique. Pour aborder l'histoire de la cartographie, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Claude Brzezinski. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite en mathématiques à l'université Lille 1 et auteur, entre autres livres, de « Les images de la Terre, cosmographie, géodésie, topographie et cartographie à travers les siècles » publié aux éditions L'Harmattan en 2010. Gilles Palski, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de géographie à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et membre du comité éditorial de Cybergéo et de Imago Mundi. Vous êtes l'auteur, avec Jean-Christophe Bailly et Jean-Marc Besse, de l'ouvrage intitulé « Le monde sur une feuille, les tableaux comparatifs de montagnes et de fleuves dans les atlas du 19e siècle » chez Farge Éditions en 2014. Vous pouvez suivre cette émission, comme chaque jour de la semaine, en direct sur France Culture et sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Alors Gilles Palski, peut-on donner une définition simple de ce qu'est une carte ? Ben, je commencerai par vous dire que non, parce que, comment dire, il y a une sorte de définition officielle. Il y a un comité qui s'appelle le Comité français de cartographie qui a proposé une définition comme quoi la carte est une représentation plane de tout ou partie de la surface terrestre selon un rapport d'échelle, etc. Mais dans la réalité, c'est une définition qui se rapporte un peu aux cartes contemporaines et occidentales. Et en réalité, bon, la carte existe sur des supports multiples, existe sous des formes multiples, et puis on va dire n'est pas obligatoirement une représentation de la surface terrestre. Il peut y avoir des cartes des planètes, bien sûr, mais il y a aussi des cartes imaginaires. Il y a donc toute une série de catégories de documents qui échapperaient à une définition simple. Est-ce qu'une carte doit être plane, absolument ? Alors, c'est justement une question, parce que si on regarde des cartes de l'Antiquité qui sont inscrites par exemple dans des tablettes d'argile, elles sont planes, mais malgré tout, il y a des traits gravés et donc il y a des effets de relief. Et puis, de même, on peut penser qu'il y a une sorte d'acte cartographique quand on produit un plan relief, un modèle 3D. Donc, peut-être qu'il vaudrait mieux pas utiliser ce terme de carte, mais parler, d'acte cartographique. De formes à dimension cartographique produisant des globes, des modèles, des cartes, etc. Très bien, Claude Brzezinski, vous avez, vous, une idée peut-être différente de cette définition de la carte ? Non, historiquement, les premières cartes ont été des représentations planes, mais tout le problème est de, bien sûr, représenter la Terre qui n'est pas plane sur une feuille de papier plane. Donc il a fallu que les mathématiciens et les géographes décident comment transformer une à peu près sphère en une feuille de papier plat. Gilles Palski, au début, ce problème peut-être n'existait pas au sens où on n'avait pas une perception de la sphéricité de la Terre. Les premiers documents cartographiques que l'on connaît correspondent à des visions du monde qui peuvent être différentes, oui, qui peuvent être celles du disque plat. La cartographie grecque, dans ses origines, ne correspond pas forcément à une vision sphérique. Et les toutes premières cartes remontent à une époque très très très ancienne qui peut surprendre. Alors effectivement, c'est une. On peut dire que la cartographie remonte à la préhistoire. L'un des documents les plus anciens, c'est une sorte de fresque pariétale, une fresque sur une paroi qui a été réalisée dans la ville de Sata Yük, qui se trouve en Anatolie centrale, en Turquie. Et ça remonte à 6200 avant Jésus-Christ, et ça représente ça représenterait, parce que c'est encore une hypothèse, une sorte de plan de la ville avec une vision de volcan qui la surplombe, de volcan en éruption. Il reste que bon, c'est sujet encore à débat entre les préhistoriens. Est-ce qu'on ne projette pas sur ces images notre vision actuelle? Est-ce qu'il s'agit vraiment de cartes? Sinon, bon, bah, la plus ancienne serait, vous voyez, datée de 6200. Et on en a aussi beaucoup d'exemples dans la période, dans les millénaires qui précèdent Jésus-Christ, avec la cartographie assyro-babylonienne ou la cartographie des formes de cartes sur papyrus faites en Égypte. Alors Claude Wozniński, on peut se demander à l'époque comment on pouvait faire une carte en étant privé de la plupart ou voire la totalité des outils qui seront ensuite utilisés pour la cartographie. C'était surtout de l'à peu près. Hein. Les premières cartes, disons européennes, étaient faites pour la navigation côtière. Et ce sont les portulans. Ils indiquaient la route pour se rendre d'un port à un autre, et c'est seulement plus tard qu'on s'est mis à essayer de faire des choses plus sérieuses, plus scientifiques. Voilà, pas de calcul à l'époque, mais plus observation visuelle. Oui. Alors, on peut se demander aussi pourquoi on a fait des cartes il y a si longtemps, enfin, et pourquoi on en fait encore aujourd'hui d'ailleurs. Quelles étaient les motivations initiales des cartes, Gilles Pelski? Écoutez, je pense qu'il y a plusieurs dimensions. Il y a sans doute une dimension utilitaire, hein, puisque bon, la terre, on la répartit, on la partage, elle peut faire l'objet de propriétés, et donc le plan que j'évoquais tout à l'heure, c'est un plan qui représente des maisons. Certaines cartes représentent des formes de cadastres anciens, on va dire. Et puis à côté de ça, il y a aussi une projection de ce qu'il y a autour de soi, c'est-à-dire ce que j'appelais tout à l'heure une vision du monde. Et on connaît par exemple une carte babylonienne qui est de moins 600, donc avant Jésus-Christ, qui représente le monde avec Babylone au centre, entouré de quelques autres cités de cette époque. Et c'est, disons aussi, une vision presque abstraite en fait d'un modèle du monde. Donc c'est une manière de représenter quelque chose qui est à la fois la part du connu et la part de l'inconnu. Et donc avec des objectifs qui peuvent être politiques, qui peuvent être culturels, qui peuvent être également peut-être religieux? Oui, qui peuvent être aussi peut-être commerciaux et militaires, hein, puisque représenter les territoires voisins, c'est aussi les territoires avec lesquels on commerce, sur lesquels on peut avoir des visées. Mais il y a certainement une dimension de contrôle, oui, de contrôle politique et de contrôle religieux qui domine. Hein. La carte est souvent produite par une autorité. Claude Wozniński. Oui, pour montrer, moi je donne toujours comme exemple la fameuse table de Peutinger, qui est plutôt une carte qui décrit des itinéraires terrestres pour se rendre d'un point à un autre. On la date du 12e, 13e siècle, mais sans finalement en savoir plus, puisqu'il y a des gens qui disent que c'est une copie d'une carte romaine qui était sur un portique à Rome. Un portique construit par Auguste. C'est une carte qui est complètement déformée, elle est complètement aplatie verticalement et longitudinalement, on peut aller d'un point à un autre. Dessus sont marquées des villes, des étapes, des auberges, enfin. Donc déjà un côté utilitaire comme aujourd'hui finalement. Peut-être aussi pour que Auguste montre les limites de son empire. La méthode scientifique, Michel Alberganti. Aujourd'hui, une émission consacrée à la cartographie avec nos deux invités, Claude Wozniński, professeur émérite de mathématiques à l'université Lille 1, et Gilles Pelski, professeur de géographie à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Gilles Pelski, quel lien peut-on établir entre une carte et son époque? Est-ce qu'il est possible que la carte révèle beaucoup de choses sur, on a commencé à en parler, mais beaucoup de choses sur le contexte dans lequel elle a été produite? Bien entendu, et d'ailleurs en historien, aujourd'hui, la carte n'est jamais examinée en dehors de son contexte. Un historien américain avait désigné la carte comme étant une métaphore culturelle, puisque évidemment sur la carte, on va voir indiquer des éléments qui relèvent d'un inventaire du monde, selon les sociétés, selon les époques. On a certaines curiosités que l'on n'aura pas à d'autres. Si on prend la fameuse carte de l'époque moderne, qui est la carte de Cassini, c'est une carte qui, par exemple, montre un extraordinaire souci de décrire les phénomènes religieux, toutes sortes de petits bâtiments religieux, chapelle de dominicains, chapelle de franciscains, etc. Il y a une quantité de symboles pour parler de ce fait religieux. De même, la cartographie d'Ancien Régime est toujours très portée sur tout ce qui est limite juridique, limite administrative. Et puis, bon, aujourd'hui, si on voit les cartes modernes de l'IGN, on pourrait dire que notre inventaire du monde s'est modifié. Il s'est enrichi, en particulier dans le domaine des routes. Le souci est très, comment dire, très, d'un grand raffinement dans la description des itinéraires routiers ou d'autres phénomènes. Donc, bien entendu, la carte révèle une société et sa culture. Dans la mesure où elle fait des choix, puisque tout n'est pas... Dans la mesure où elle fait des choix. Et de ce point de vue-là, bon, il y a une leçon qui est souvent donnée, qui est de dire que la carte n'est pas le monde, bien entendu. Hein. La carte n'est pas le territoire, c'est une phrase qui est célèbre. Et c'est une représentation qui relève de choix subjectifs et qui relève ensuite d'une forme de simplification, de généralisation des phénomènes. Donc elle n'est pas le monde, elle renvoie au monde bien sûr, mais elle renvoie aussi aux catégories, aux personnes qui les ont créées. Alors une carte imparfaite, Claude Wroczynski, révélatrice, comme vient de l'expliquer Gilles Pasqui, mais qui fait appel à des techniques qui se sont raffinées au fil du temps. Et par exemple, on peut en citer quelques-unes, vous allez nous expliquer en quoi elles sont fondamentales, la géodésie par exemple, la topographie, puis après on pourra citer l'astronomie et la géographie également. Mais la géodésie, son but c'était d'abord d'expliquer quelle était la forme de la Terre. Bon, on s'est vite aperçu que l'histoire que la Terre était plate était complètement fausse, puisque il suffisait de voir le mât des navires disparaître à l'horizon pour s'apercevoir que la Terre n'était pas plate. Mais quelle Quand vous était dites sa... vite, ça veut dire vers quelle époque ça s'est produit? Oh, chez les Grecs, hein. Chez les Grecs anciens. Et donc on s'est aperçu qu'elle était ronde, mais elle n'est pas exactement ronde. Elle est comme aussi tortueuse qu'une pomme de terre, disons. Avec des bosses, avec des aplatissements au pôle. Oui, les bosses, il y a l'Everest, il y a les abysses. Bon, à l'échelle de la Terre, c'est pas grand-chose, mais elle n'est pas parfaitement ronde, et d'ailleurs, vers le XVIIe siècle, XVIIIe siècle, les gens se sont beaucoup intéressés à la forme exacte de la Terre, savoir si elle était aplatie au pôle ou aplatie à l'équateur. Newton avait fait des calculs en assimilant le centre de la Terre à un fluide. Et donc, comme la Terre est en rotation, le fluide tourne. Il en avait déduit certaines conclusions. Cassini avait remis, l'un des Cassini, puisqu'il y en a eu quatre à la suite les uns des autres, avait remis ça en question. Donc, on a envoyé des expéditions un peu partout en Laponie, en Amérique, pour essayer de mesurer la longueur du méridien et pour trancher finalement sur le fait que la Terre était un peu aplatie au pôle. Est-ce qu'il y a une différence entre le fait que la Terre soit un cercle, enfin, et non pas un plan, et puis sa rotondité? Est-ce qu'il y a eu une différence de délai dans cette perception, Claude Pasqui? Dans cette perception, je sais pas J'ai pas trop compris ce que vous me demandiez. Est-ce que la Terre est... Le fait qu'elle soit plate, si vous voulez, quand on parlait tout à l'heure des cartes Portulan, bon, par exemple, les cartes Portulan sont des cartes où le nord est toujours vers le haut, c'est-à-dire que on peut imaginer que les méridiens, au lieu de se rejoindre vers le pôle, vous voyez, seraient parallèles, hein, donc sur une carte Portulan, le nord est toujours vers le haut, ce qui fait qu'en fait, si on monte en latitude, la carte se trouve déformée, les distances se trouvent déformées, hein, elles sont très exagérées vers les hautes latitudes. Et donc, effectivement, on pensait que faire une représentation plate, sans projection, finit par poser problème pour des navigateurs, puisque une carte sans projection peut véhiculer des erreurs de distance. Donc, ce serait la différence entre une carte circulaire et une carte sphérique, en fait. Oui, on pourrait dire ça, oui. Oui. Claude Brzezinski. Oui, que quand on colle une feuille de papier plane sur un ballon de football, ce qui est en contact, on peut le représenter à peu près correctement, mais si vous voulez représenter des choses qui sont loin du point de contact de la feuille et du ballon de football, il faut bien projeter les points sur la feuille de papier. Alors, on peut les projeter en partant du centre du ballon de football et en traçant des lignes comme ça, ou on peut les projeter horizontalement, et suivant la projection qu'on fait, on a des déformations plus ou moins importantes vers l'épaule, comme le disait Monsieur Pelski. D'où une approximation des planisphères, forcément, par rapport à la réalité, et peut-être une vision qui, là aussi, est déformée, pas pour des raisons politique ou culturelle, mais pour des raisons un peu plus techniques, Gilles Pasqui. La déformation pour des raisons techniques, mais il y a aussi des choix culturels, puisque c'est en particulier le fait de se placer au centre du planisphère qui relève de ce choix culturel, hein, et qu'on trouve dans la plupart des civilisations, hein, la Chine avec l'Empire du Milieu, ou l'Europe sur les premières maps mondes. Donc oui, c'est effectivement une déformation technique qui ne peut être résolu qu'en produisant des globes, hein, qui existaient dans l'Antiquité et qui seront produits à nouveau à la Renaissance. Mais si on veut faire une représentation plane, on va sacrifier soit les distances, hein, soit les angles. Donc il y a plusieurs catégories de projection, mais chacune a des déformations. Éventuellement d'ailleurs peut déformer les deux, hein, les distances et les angles, si on veut faire une sorte de compromis dans la projection. Alors malgré l'ancienneté des événements et des étapes dont vous parlez, il n'est pas possible de ne pas citer un sondage IFOP de janvier 2018 qui nous apprend que 9% des Français pensent qu'il est possible que la Terre soit plate et non pas ronde. Et ce ratio atteint 18% pour les 18-24 ans. Peut-être une réaction de chacun d'entre vous, Claude Brzezinski. Oui, ben, ça prouve qu'ils n'ont pas dû bien étudier... au lycée ou au collège, je pense qu'on leur a quand même donné la forme exacte de la Terre. Gilles Pasqui, ça vous... Oui, mais je pense que c'est un peu... c'est un peu inquiétant, mais enfin, oui. Ça, c'est presque quelque chose qui relèverait aussi de la théorie du complot, c'est-à-dire de la même manière qu'on met en doute beaucoup de vérités scientifiques. Bon, celle-ci, comme on la voit venir de la part d'experts, d'autorités, d'enseignants, elle est aussi remise en question, peut-être pour cette raison. Hein. Absolument, d'ailleurs, le sondage portait sur la théorie du complot, et donc c'était une partie de ce sondage qui était consacrée à... la rotondité de la Terre. Alors cette difficulté, hein, de représenter la cartographie de la Terre, elle a quand même été marquée par des apports successifs. Il y a eu la navigation, par exemple, l'imprimerie. Quelles sont les étapes majeures qui vous paraissent avoir contribué largement au progrès que la cartographie a pu faire au cours du temps, Gilles Pasqui? Alors, je pense que la question du progrès, c'est une question un petit peu délicate. Je vais vous dire pourquoi en deux mots. C'est que il faut éviter d'avoir une vision de la cartographie comme une sorte de... Comment dire, une vision que j'appellerais darwinienne, hein, évolutionniste, de quelque chose qui accumulerait des petits progrès pour arriver jusqu'à nos cartes qui sont les meilleures, bien entendu. Hein, donc, c'est facile d'avoir cette sensation. Oui, il ne s'agit pas de mettre les cartes, je dirais, en rang époque après époque et voir comment elles évoluent. Mais bien entendu, elles évoluent. Mais ce que je veux dire, c'est que le point de vue historique, c'est de mettre les cartes dans leur contexte, hein, contexte culturel, technique, intellectuel, et de les comprendre dans ce contexte, plutôt que de les considérer, je dirais, d'un d'un point de vue rétrospectif, en disant est-ce que ces cartes-là, elles s'approchent de ce qu'on fait aujourd'hui ou non ? Un historien des sciences célèbre, Georges Gusdorf, disait « L'histoire des sciences n'est pas une distribution de récompenses ». Donc ce serait peut-être important à dire. Et pour le reste, la question du progrès, elle est aussi compliquée parce que je dirais qu'il y a des progrès qui sont à lire au niveau des contenus des cartes, avec par exemple les grandes découvertes. Évidemment, les connaissances géographiques évoluent, donc les cartes vont les enregistrer. C'est une première forme de progrès qui concernerait, on pourrait dire, le contenu, le signifié, si vous voulez, de la carte. Il y a des formes de progrès techniques, évidemment, de calcul, de mesure, mais aussi des progrès techniques qui touchent à l'impression, qui touchent à la gravure, qui touchent à d'autres choses. Et puis, on peut aussi parler de progrès ou de changement, d'évolution, qui toucherait, je dirais, à la diffusion des cartes. Aujourd'hui, on en connaît un sacré exemple avec la diffusion des cartes sur le web, qui évidemment rend les documents cartographiques, enfin, les multiplie et puis les rend très facilement accessibles. Et donc, je pense que cette question du progrès, vous voyez, elle est à distinguer selon un peu différents registres. Claude Brzezinski, sur le registre justement technique, quels sont les grands outils et à quel moment ils sont apparus ? Les grands outils, il faut d'abord, quand on veut faire une carte, arriver à placer les villes ou ce qu'on a envie de représenter les uns par rapport aux autres. Donc il faut effectuer des mesures et la triangulation a été inventée, je crois, vers le 16e siècle. Donc ça consiste en ça consiste à couvrir une région que l'on veut cartographier d'une chaîne de triangles qui se touchent par un côté les uns les autres. Alors on commence par mesurer un des côtés d'un triangle, on se place à chacun des bouts et après on ne mesure plus que des angles. Parce que c'est plus facile, plus précis de mesurer des angles que des distances. Ça, on le comprend facilement. Si le terrain sur lequel vous mesurez votre distance est quelque peu bosselé, on ne peut pas le mesurer avec une grande précision. Alors, dans un triangle, il y a six quantités inconnues, trois angles et trois côtés. Dès que l'on connaît trois de ces quantités, avec obligatoirement un côté, une longueur, on peut déterminer les trois autres inconnus par les formules de trigonométrie. Donc avec une seule distance au départ, on peut arriver à les deux autres. Mais le problème est que pour des raisons d'erreur, on fait plus de mesures qu'il n'est nécessaire. Vous allez... Une fois que vous êtes parti d'un sommet du triangle, vous allez quand même à l'autre sommet pour remesurer peut-être deux fois ou plusieurs fois les mêmes choses. Et donc, on obtient plus de mesures que nécessaire. Et après, on cherche à ce que les erreurs, ou plutôt quand on les élève au carré, comme on dit en mathématiques, le carré de la somme des erreurs soit la plus petite possible. Alors, ce que vous nous expliquez là se fonde également sur la trigonométrie, oui. Qui, justement, cette méthode de mise en relation des distances et des angles, oui. Et qui, elle, est très ancienne également. Oui. Ah oui, ça c'est très... L'Égypte antique, 4000 ans, à peu près. Alors, aujourd'hui... Et puis, il y a le problème aussi... du nivellement. Quand, si vous mesurez avec n'importe quel instrument la distance qui sépare le pied d'une montagne de son sommet, c'est pas la distance exacte à laquelle se situe le sommet. Il faut ramener cette distance sur le plan horizontal. Et ça s'appelle le nivellement. Alors juste peut-être un exemple de cette complexité et de l'ancienneté aussi de certaines découvertes. La circonférence de la Terre a été mesurée il y a fort longtemps, Gilles Palski. Oui, donc c'est vrai qu'on peut remonter pour ces questions de mesure à l'Antiquité et principalement à la science grecque, même s'il s'agit moins de grec de la Grèce que de Grecs d'Asie mineure et puis d'Égypte. Et la première mesure de la circonférence terrestre, c'est celle d'Ératosthène au IIIe siècle, avant Jésus-Christ. Et ce qui montre d'ailleurs qu'il existe des moyens de mesure et des outils. L'outil qu'utilisent les Grecs, c'est le gnomon. C'est une sorte de bâton fixé sur une planchette qui permet de mesurer en fait la hauteur des astres. Et les Grecs avaient donc la possibilité d'évaluer la latitude en mesurant la hauteur du soleil ou d'autres astres. Et par ce calcul de latitude, en fait, Ératosthène va en arriver, oui, à proposer une mesure de la circonférence terrestre. Il procède de la manière suivante. Il évalue la différence de latitude entre deux lieux, qui sont Alexandrie et la ville de Sienne, qui se trouve en Haute-Égypte. Donc il a une valeur de latitude, c'est pas en degrés à cette époque, mais... Et entre ces deux lieux, il a une estimation de la distance. Donc il peut convertir un degré de latitude, on va dire, en une certaine distance. Et si un degré vaut tant, il reste à dire que 360 degrés valent la circonférence terrestre. Et le plus extraordinaire, c'est que c'est pas si faux que ça. Non, il va effectivement... je crois que c'est... 39 600 kilomètres, je ne sais plus exactement. Il va tomber relativement près de la mesure que l'on connaît actuellement. Malgré tout, c'est aussi par le fait de certaines erreurs qui se compensent. Voilà. Parce que la mesure qui est faite, la distance entre Alexandrie et Sienne n'a pas été calculée de manière très exacte. La valeur des latitudes non plus. Certains historiens pensent qu'on n'est pas sûr non plus de la valeur du stade qui était utilisé par Ératosthène. Est-ce qu'il utilisait le stade égyptien ou un autre stade, qui était la distance, la mesure de distance de l'époque. Enfin bref, oui, on peut s'étonner de la grande... Donc, proximité de son résultat, mais il y a peut-être des erreurs qui se sont compensées et qui aboutissent à ce résultat assez extraordinaire. Alors on va faire l'époque moderne, il y a eu des erreurs qui se sont compensées. Bien sûr, oui. Quand on pense qu'à Pierre Méchain, qui avec François Arago avait été envoyé pour mesurer la longueur du méridien, parce que la France révolutionnaire voulait définir la longueur du mètre à partir d'une mesure exacte du méridien. Méchain avait des erreurs qui s'étaient compensées, mais il a caché ses résultats pendant longtemps à l'Académie des sciences. Il s'est même enfui à l'étranger pour qu'on l'embête pas avec ses mesures. Mais ses erreurs s'étaient compensées. La méthode scientifique, Michel Alberganti. There's a map of the world on the wall in your room. Green pins where you want to go. White pins where you've been. There isn't even 10. You're already feeling old. Pretty faces stare back from a magazine stack that you read when you're feeling bored. Look through a telescope lens. It doesn't make sense. You think you've been there before. Some far off feeling. Some up close kind of ache. Widescreen reason to look the other way. There's a place by the lake that you go when it's late. Summer and the crowds are gone. And you sit all alone with your thoughts getting stoned. Just waiting for some peace to come. Like a thing that you tried, that you thought that you liked for a minute, then it all felt wrong. So you're changing again, all your clothes, all your friends, it's the same as it ever was. That far off feeling, that up close kind of ache. Some widescreen reason to look the other way. Paved over Indian graves, and you wonder why your dreams are crazed. So you cling to your wife, your kids, and your life. There's nothing that you're gonna say. Put the razor to your face, hot water for a shave, kill the shadow of yesterday. clean shirt, clean pants, clean slate, second chance, you're going by another name. Some far off feeling, up close kind of ache. That instant karma always comes to late. Map of the World par Monster of Folk à 16h31 sur France Culture, où nous parlons aujourd'hui de l'histoire de la cartographie avec Claude Brzezinski, professeur émérite de mathématiques à l'université Lille 1, et Gilles Palski, professeur de géographie à Paris 1, Panthéon, Sorbonne. Alors on a parlé des toutes premières cartes, et on va faire un bond dans le temps pour nous retrouver à l'Institut National de l'Information Géographique et Forestière, l'IGN, qui est responsable en France de la fabrication des cartes papier, et oui ça existe toujours, et qui nous sont d'ailleurs bien utiles lorsque nous n'avons plus de réseau pour suivre notre GPS. Antoine Beauchamp, bonjour. Bonjour Michel, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes allé voir comment se fabriquent aujourd'hui ces cartes en papier. Oui, j'ai rencontré Hervé Quinquenel, qui est géomaticien à l'IGN, avec qui j'ai pu comprendre les grandes étapes de la fabrication d'une carte papier. De la prise de vue aérienne à l'impression de la carte, c'est tout un travail de sélection de données, de relecture, un peu comme pour un livre. Hervé Quinquenel m'a aussi parlé de Géoportail, qui est un outil moi, que je trouve assez formidable, qui est proposé en ligne par l'IGN, et qui permet de regarder ce dont sont faits nos territoires aujourd'hui, mais aussi dans le passé, grâce à toute une série de cartes anciennes, qui sont consultables directement sur le site, et superposables à nos cartes actuelles. La première grande étape, effectivement, c'est la prise de vue aérienne. Donc il va falloir quelques mois pour exploiter toutes ces données, pour qu'elles soient compréhensibles et exploitables après par des gens qui vont travailler dessus. Ensuite, il y a une phase de restitution en trois dimensions sur des appareils un peu spécifiques, donc des appareils en vision stéréoscopique. Donc ça, c'est pareil, ça va prendre quelques semaines, voire quelques mois, parce que le travail peut être assez important. Et à partir de ça, donc les bases de données se fournissent, se mettent à jour en continu ou en quasi en continu. Une fois que ces bases de données sont remplies, on va pouvoir les exploiter pour faire de la cartographie. Donc il peut se passer plusieurs mois, voire des fois un an, voire deux avant d'arriver à avoir le matériel pour commencer à faire la cartographie. La cartographie, je dirais que c'est un peu la dernière étape d'exploitation de ces bases de données. À quelle fréquence est-ce que vous mettez à jour les cartes ici à l'IGN ? Donc alors, si on reste sur les cartes papier, donc c'est avec les nouvelles façons de créer les cartes, on est à peu près sur un rythme de 5 ans. Par contre, si on passe sur la cartographie écran, là il n'y a pas besoin d'imprimer, il y a beaucoup moins besoin de logistique. Donc certaines cartographies, oui, sont mises à jour tous les jours. Alors il y a un autre outil qui est très précieux et qui est propre à l'IGN, c'est le site Géoportail. Qu'est-ce qu'on peut trouver sur Géoportail, et par exemple on peut trouver des vieilles cartes? Quel est l'intérêt d'avoir ces différentes années, en fait, ces différentes décennies qu'on peut reparcourir en cartes? Le Géoportail, c'est un outil qui va être très très intéressant dès qu'on va vouloir aller découvrir un peu ce qu'il y a derrière le territoire. La cartographie, évidemment, donc toutes les cartes de l'IGN, mais pas seulement ça, donc aussi des informations historiques, donc des cartes anciennes. Alors l'intérêt des cartes anciennes sur le géoportail, c'est qu'elles sont géoréférencées. Et donc on va pouvoir les superposer visuellement avec d'autres informations plus récentes. Et ça c'est intéressant parce que ça permet une analyse visuelle très très rapide pour comprendre comment a évolué par exemple un territoire. Et ça permet d'avoir au moins visuellement pour le grand public toutes ces informations. Avant, il fallait qu'il aille à soit à la Bibliothèque nationale de France, soit à la cartothèque de l'IGN. Et pratiquement toutes ces informations, il les a chez lui, dans son bureau, devant les yeux. Je voudrais qu'on aille voir un petit peu, si vous voulez bien, comment on travaille dans les bureaux à dessiner ces cartes-là, si jamais on peut y aller. Voilà. On va essayer d'aller voir ça, oui. Ouais. Si vous voulez, je vais chercher des cartes topographiques, des choses comme ça, un peu différentes. Là, on est dans une unité de cartographie. Donc, on a les spécialistes en cartographe, en rédaction cartographique, là, qui travaillent sur la mise en forme, la rédaction des cartes. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire, votre collègue, là, du coup? Et c'est très amusant, cet aller-retour, justement, entre l'écran, la carte papier qui reste là. Voilà, donc là, on est avec Florence, qui est en train de créer sa cartographie donc sur la région parisienne. Donc là, on est en pleine phase de contrôle. Donc là, on est sur la carte donc du nord de Paris, et on se rend compte que la formation est très, très dense. On est sur une carte au 25 millième, et il y a énormément d'éléments qu'on veut représenter. Donc tous les bâtiments, toutes les routes, les informations touristiques, les informations de tous les réseaux, les voies ferrées, etc. Il y a plein de choses aussi sur les forêts, sur l'hydrographie, donc les fleuves. Et donc on se retrouve avec une masse d'infos colossales qu'on veut essayer de représenter sur la carte. Donc le travail de Florence, c'est d'arriver à être sûr que ce qu'il y a sur la carte avant publication soit bien lisible et soit juste. Donc effectivement, elle compare sa cartographie provisoire avec les photos aériennes pour bien comprendre ce qui se passe et pour être sûr que sur le document, ça soit bien retranscrit en fait. Ouais, ça demande beaucoup, beaucoup de concentration. Il faut que la lisibilité soit parfaite, et donc forcément, il faut vérifier chaque petite maille du terrain pour être sûr qu'il n'y ait pas d'informations très, très importantes qui soient masquées par autre chose. Et donc ça nécessite vraiment du travail méticuleux de correction et de vérification. Donc c'est vrai qu'il y a une grande phase du travail en amont qui est faite de façon automatique par des outils logiciels. Mais pour avoir un document vraiment parfait à la fin, il y a des phases justement manuelles qui sont faites par des spécialistes, la cartographie, de la lisibilité. Et c'est très beau parce que donc, sur sa table, elle a une carte au 1/25 millième qui est annotée en fait, avec des traits qui partent justement aux endroits qui doivent être peut-être modifiés ou en tout cas revus, relus. Ouais, c'est ça, on essaie avec un contrôle visuel, de repérer tout ce qui ne va pas encore sur la sortie provisoire, pour qu'à la fin, ça soit parfait pour l'utilisateur. Et à titre personnel, vous, est-ce qu'il y a des cartes anciennes qui vous plaisent particulièrement? Et aujourd'hui, vers quelle carte va votre affection en particulier? Alors moi, j'aime beaucoup la carte d'état-major des environs de Paris, avec vraiment un aspect graphique très très beau, vraiment très très détaillé. Donc, on ne l'a pas sur tout le territoire français, on a vraiment ce que sur la petite couronne parisienne, mais franchement, c'est quelque chose que j'apprécie. Vraiment, graphiquement, c'est très très beau, mais bon, ça a dû nécessiter un travail de dessin et de relevé terrain colossal, mais enfin, le résultat est vraiment magnifique. Hein. Et ça, on y a accès sur Géoportail, justement. Oui, on a accès sur Géoportail, effectivement. Ça donne envie. Merci Antoine Beauchamp pour ce reportage, et en particulier pour le bruit des cartes qui reste très précieux, puisque peut-être va-t-il disparaître aussi. Il disparaîtra jamais. Et qui nous montre aussi le côté artistique de la carte, qui est très important, j'imagine, Gilles Pasqui. Vous pouvez réagir à ce reportage, peut-être Gilles Pasqui justement. Écoutez, j'ai appris qu'il y avait encore donc des cartes papier dont il servait pour indiquer des corrections à faire. Bon, je pensais que l'IGN était passé au tout numérique et que les corrections se faisaient toujours directement sur écran. Donc, apparemment non, il reste une phase de correction de ce qu'on appelait autrefois les minutes avant la publication finale, ce qui nous rattache, nos ingénieurs d'aujourd'hui, aux ingénieurs de la carte de France de Cassini qui faisaient la même chose. C'est-à-dire les observations des ingénieurs sur le terrain arrivaient à Paris, et puis à Paris, on annotait, on corrigeait et on renvoyait la carte pour qu'elle soit à nouveau modifiée. Donc ça, au moins, ça n'a pas bougé. Bon, le papier est toujours là. Je pense que effectivement, il y a certains usagers qui sont attachés à ces cartes papier, comme peut-être pour le livre, on est attaché à avoir un livre plutôt qu'un fichier sur une liseuse. Hein. Et puis la carte papier, elle a cet avantage qu'elle a une certaine temporalité, elle marque un peu les stigmates du temps. On peut y voir la trace des plis, des petites déchirures, des petites marques, alors que la carte sur écran est toujours d'une éternelle jeunesse quand elle se transmet d'un ordinateur à l'autre. Outre cette capacité à vieillir, il y a aussi la taille de la carte papier qui reste, pour l'instant en tout cas, supérieure à celle des plus grands écrans. Oui, tout à fait, oui, oui. Bon, donc, sur l'écran, d'ensemble, on peut toujours zoomer, hein, on peut toujours zoomer, se déplacer, mais c'est vrai que cette vision d'ensemble, elle est importante. Claude Brzezinski. Oui. Je crois qu'on n'abandonnera pas le papier de sitôt, hein, du moins je l'espère. La même chose pour les livres. On aime toujours feuilleter un livre et moi je lis beaucoup de choses sur mon écran d'ordinateur, hein, des PDF, mais quand je veux lire un livre, j'achète le livre papier. Il est néanmoins plus facile de refermer un livre que de replier une carte. Ah ouais, ça, oui. Ça, vous êtes d'accord, en fait, ah tous ben, les deux. Bien sûr. Pour revenir un instant sur l'histoire qui, forcément, a été balayée très rapidement, Gilles Pasqui voulait quand même mentionner Ptolémée, qui a joué un rôle important dans cette histoire. Oui, je pensais qu'avant d'en arriver à des périodes plus récentes, il fallait quand même parler de Claude Ptolémée, donc qui est un grec d'Égypte, un grec d'Alexandrie, et qui au second siècle après Jésus-Christ va rédiger deux ouvrages majeurs qui, pour le coup, ont été conservés, alors que très souvent les ouvrages de la science grecque ne nous sont connus que par des fragments et par seconde main, on va dire. Donc il y a le volume de l'Almageste qui est sur les corps célestes, et puis la géographie de Ptolémée. Or, ce nom de géographie masque en fait un ouvrage qui est un traité de cartographie. C'est-à-dire que Ptolémée explique comment faire des cartes. Il explique plusieurs méthodes de projection, donc comment passer de la sphère au plan avec plusieurs méthodes de projection. Et il y ajoute une table des lieux pour lesquels il donne les coordonnées en latitude et en longitude. C'est-à-dire qu'il introduit, vous voyez, une cartographie astronomique ou mathématique, hein, géométrique, on pourrait dire, et c'est à la fois l'apogée de la science grecque. Mon Ptolémée va être redécouvert en Europe à la Renaissance avec la traduction de sa géographie, dont un exemplaire a été conservé à Byzance, et donc on traduit du grec la géographie de Ptolémée, et c'est ce qui permet finalement, c'est ce qui fonde en fait la cartographie moderne, avec le système des latitudes, des longitudes, et une grille pour se repérer, et les projections. Donc la cartographie moderne doit beaucoup à la science grecque, et à ses progrès astronomiques et mathématiques. Claude Brzezinski. Oui, moi... Il y a quelqu'un d'autre que j'aimerais bien mentionner, parce qu'il a travaillé pratiquement seul. C'est Georges Heilbronner, qui a pratiquement seul cartographié les Alpes. On est beaucoup plus tard, hein. Oui, au 19e. C'était au 19e siècle, mais faire ça seul, c'est absolument inimaginable. À pied, en fait. Oui, oui, oui. Ah, oui. En gravissant les sommets. Il existait une carte d'état-major pour les Alpes, mais Heilbronner et les membres du club alpin français la trouvaient très insuffisante et mauvaise, et donc ils ont refait des levées personnelles privées, ce qui est assez extraordinaire, effectivement. Oui. Alors aujourd'hui, ce qui a quand même changé complètement la situation, ce sont les images aériennes qui proviennent d'avions ou bien aujourd'hui de satellites. Et qu'est-ce que ça a changé profondément dans ce métier de la cartographie, Claude Brzezinski? La photographie aérienne et la cartographie aérienne ont débuté pendant la Première Guerre mondiale. C'est à ce moment-là qu'on... Premiers avions, en fait. Oui. Ça change quoi d'avoir des images de ce type par rapport au travail dont vous parliez à l'instant, qui est effectivement de gravir les montagnes pour essayer de les décrire? Et là, il y a autre chose qui a... Pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu aussi ce qu'on appelle les canevas de tir, parce que les Français devaient repérer au son d'où venaient les obus lancés par les Allemands, donc, et ils dessinaient des cartes d'état-major à partir du repérage au son. Donc c'est tout un pan de la cartographie qui s'est développé à cette époque-là. Gilles Pasqui. Oui, pour répondre à la question de ce que ça change, c'est que dans les cartes faites à l'époque moderne, il faut aller relever tous les éléments de la planimétrie, tous les objets du terrain, il faut aller les observer directement sur le terrain, des visus, hein, tandis qu'évidemment la photo aérienne va les montrer, et donc on va les lire, on le disait tout à l'heure dans le reportage, par un système stéréographique, et puis les restituer. Donc ce que l'on fait sur le terrain, ce sont des opérations limitée qu'on appelle le complètement. C'est-à-dire, évidemment, on voit un bâtiment, mais on ne sait pas est-ce que c'est une habitation, un bâtiment industriel, etc. On n'a pas, évidemment, les toponymes qui apparaissent. Donc, il y a un travail qui est sur le terrain, qui se poursuit, mais qui est simplement un travail fait pour compléter ce qui a été fourni par la photographie aérienne. Donc, le rapport au terrain a changé de ce point de vue-là. Et on voit toujours les topographes refaire des relevés dans les rues des villes, même. Oui, alors il peut s'agir de géomètres. De géomètres, oui, pour des travaux plus limités, oui, des calculs. Il y a des travaux publics. Hein. Pour les travaux publics, je ne sais pas, oui, si nos ingénieurs de l'IGN sont astreints à ce genre de tâches, ça je l'ignore. Dans ce cas-là, on a besoin vraiment de choses beaucoup plus, oui, locales et très très précises, oui, voilà, pour des travaux particuliers. Ah, il y a eu aussi la cartographie souterraine, hein, qui a été faite dans les grottes. Alors là, il n'est pas question d'utiliser un satellite ou... On utilise le laser plutôt que le satellite. Hein, oui. Ce dont on n'a pas parlé, ce sont des cartes thématiques qui aujourd'hui sont particulièrement faciles à créer, puisqu'on part de cette masse de données dont on parlait dans le reportage, et on peut les trier pour faire une sorte de carte à la carte, d'une certaine façon. Gilles Palski. Oui, alors bon, le terme qu'on employait autrefois pour ces cartes, c'était carte spéciale, hein, l'expression carte spéciale. Aujourd'hui, on dit carte thématique depuis les années 1960. C'est vrai que dans un premier temps, la représentation était avant tout une représentation des territoires, en fait, une représentation de ce qui se voyait à la surface de la Terre. Et puis petit à petit, les curiosités se sont élargies avec la construction des sciences naturelles et puis par la suite des sciences humaines. Et au fur et à mesure que ces curiosités s'élargissent, les indicateurs se multiplient, si vous voulez. On voit dès le XVIIe siècle un géographe qui dit ce serait bien que sur les cartes on puisse montrer les vents, on puisse montrer sur la carte marine les courants marins, on puisse montrer, vous voyez, donc toute une série de phénomènes qui petit à petit vont faire l'objet d'une cartographie et d'une cartographie dite thématique. Alors c'est vrai que elle est surtout développée au 19e siècle, même si elle est née dès le 18e. On va représenter par exemple les roches du sous-sol, ce qui donnera les cartes géologiques, hein, au 19e siècle. On va représenter des phénomènes naturels, bon, qui sont par exemple la végétation, comme je disais tout à l'heure, les vents, le magnétisme terrestre. Et puis au 19e... Les fonds marins, les fonds marins, c'est plutôt aussi au 19e. Hein. Oui, les premières cartes des fonds marins sont du 19e siècle. Et puis à partir des années 1820-1830... sont aussi les premières cartes statistiques qui vont représenter des quantités, alors des quantités démographiques ou économiques. L'une des premières d'entre elles, elle est faite en 1826 par un polytechnicien qui s'appelle Charles Dupin. Et c'est la première carte qui montre des statistiques par ce qu'on appelle des paliers de valeur. Vous savez, du plus clair au plus foncé, hein, blanc, gris, gris foncé jusqu'au noir. Et le baron Dupin réalise cette première carte statistique de l'instruction de la France. Et les zones les plus sombres, les zones les plus noires, c'est la France ignorante, la France des ténèbres. Et les zones les plus claires, c'est la France éclairée. Et vous voyez, l'échelle des valeurs visuelles correspond à une sorte d'échelle de valeurs morales. Donc ça, on pourrait comparer avec la carte actuelle sur le même critère, en fait. Tout à fait, oui, oui. C'est une cartographie qu'on fait très couramment aujourd'hui dans la presse, par exemple, pour montrer les résultats électoraux. C'est une carte qui, vous voyez, a aussi des racines plutôt anciennes. Claude Wojcinski. Oui, oui. Ben moi, je me rappelle que quand j'étais à l'école, on nous accrochait au mur ces cartes Vidal-Lablache avec un côté la France physique et de l'autre côté la carte géologique ou la carte des cultures ou des forêts et des champs. Est-ce qu'on s'approche d'une forme d'objectivité grâce à ces cartes thématiques, puisque celui qui on peut choisir les informations qui seront affichées sur la carte par rapport à une époque où c'était peut-être moins facile, Gilles Pasquier. Je ne dirais pas qu'on s'approche d'une objectivité, je dirais qu'on multiplie les objets de l'inventaire, c'est-à-dire on multiplie les indicateurs, on multiplie les informations. C'est plutôt une démarche analytique qui serait un peu à l'opposé de la carte topographique, une synthèse de tout ce qu'on voit sur le territoire. Là, c'est une cartographie qui reflète ce qu'on connaît du territoire, et qu'on exprime par un langage qui, pour le coup, est plus un langage abstrait. Un langage de couleurs, un langage de symboles géométriques, etc. Donc, moins une objectivité que, je dirais, une masse de données qui trouve son expression graphique. Et qui pourrait être encore accrue avec la cartographie participative, dont on n'aura malheureusement pas le temps de parler, mais qu'il fallait quand même citer, où les citoyens pourront et peuvent déjà apporter leur contribution à l'enrichissement des informations qui sont utilisées par les cartographes. Est-ce qu'on peut, juste en un mot, pour aller plus loin et se projeter un peu dans l'avenir, imaginer ce que sera la cartographie du futur ? Est-ce que aujourd'hui, ce qui manque le plus n'est pas la troisième dimension, c'est-à-dire le relief, qui reste encore un peu difficile à percevoir dans la cartographie actuelle ? Claude Brindisky. Ben, quand on a un GPS en voiture, on n'est pas forcé de mettre la carte. On peut regarder aussi le... Ben, pas en 3D, évidemment. Oui, c'était ma question, en fait. On peut faire comme si on se promenait dans les rues et avancer. Gilles Pelski. Oui, on en revient presque au problème de la définition du début, c'est-à-dire si on montre les choses en 3D, est-ce qu'on fait encore une carte ? Mais bien entendu, aujourd'hui, avec la cartographie contemporaine, la cartographie numérique, c'est assez facile de construire l'image en 3D. Hein. L'IGN le faisait pour montrer le relief, le terrain, avec ce qu'on avait appelé autrefois des modèles numériques de terrain, et donc on peut aussi faire tourner ce paysage sur l'écran. Et donc, oui, la cartographie en 3D est tout à fait possible. Et certains services d'urbanisme de grandes villes françaises produisent déjà des images de la ville en 3D hein, pour la gestion quotidienne des questions d'urbanisme. Donc les hauteurs, les altitudes, tout ça sont mesurables et intégrables à un modèle 3D d'une région, quel que soit d'ailleurs le lieu, une ville ou Donc on revient à une vision qui serait la vision naturelle et horizontale. C'est-à-dire on voit le paysage en 3D, alors que classiquement, la définition de la carte, c'est justement une sorte d'image qui autrefois était étrangère à la vision humaine. L'image d'en haut, la vision zénitale, on dit parfois le regard d'Icare, hein, le regard de Dieu presque. Et donc peut-être que le secret et aussi la fascination de la carte, elle est dans ce regard vertical. Il faut aller voir les plans reliefs. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux, Claude Brzezinski et Gilles Pelski, d'avoir participé à cette émission. Il est l'heure de notre rubrique Bibliothèque des sciences. Aujourd'hui, Michel Blais lit trois axiomes du mouvement de Newton, extraits des Principes mathématiques de philosophie naturelle, publié à Londres en 1687 et traduit par Émilie du Châtelet en 1756. La Bibliothèque des sciences. Je me propose de présenter les trois lois ou axiomes du mouvement de Newton. Trois lois essentielles puisque ce sont les trois lois qui fondent la mécanique rationnelle pour le siècle qui va suivre. Et même pour nous aujourd'hui, d'un certain point de vue, si on reste en mécanique classique. Alors, ces lois sont dans quel livre ? Dans les Principes mathématiques de la philosophie naturelle, qui ont été publiés pour la première fois à Londres en 1687, puis réédités en 1713 et 1727. Les Principes mathématiques de la philosophie naturelle se présentent en deux livres, deux grandes parties, si l'on veut, qui sont précédés par les axiomes et les concepts. C'est-à-dire que c'est un livre véritablement de physique mathématique et de physique déductive. C'est-à-dire que Newton construit son livre de la manière suivante. Il met d'abord en tête les concepts, les axiomes, les lois, puis après, il développe, à partir de ce corpus initial, l'ensemble des procédures mathématiques De Principia. C'est donc un livre de physique mathématique organisé sur un mode absolument déductif, et d'ailleurs c'est le mode d'un certain point de vue traditionnel depuis Euclide. C'est un grand mouvement de l'ordre déductif, et en ce sens c'est un livre magnifique. Alors, venons-en aux trois lois. Alors ces trois lois sont des lois assez classiques, mais qui méritent quand même d'être rappelées d'une part, et méritent un petit commentaire. La première loi... Tout corps persévère en son état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme, à moins que des forces imprimées ne le contraignent à changer son état. C'est la formulation du principe d'inertie, à peu près comme on pourrait la formuler aujourd'hui. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais c'est vraiment la première formulation du principe d'inertie, de façon... disons un peu global. La deuxième loi, alors la deuxième loi est la loi essentielle dans cette affaire, c'est... Le changement du mouvement est proportionnel à la force motrice imprimée et se fait suivant la droite par laquelle cette force est imprimée. Alors, c'est ce qu'on appelle en général la loi de Newton. Mais on constatera qu'il s'agit de changement de mouvement et que ce changement de mouvement est proportionnel à la force motrice imprimée. Nous sommes donc très loin de l'expression actuelle ou moderne de la loi de Newton qui est F égale ma ou md2x sur dt2. C'est donc qu'il s'est passé beaucoup de choses entre l'énoncé de la loi de Newton dans les Principia et l'énoncé final. En fait, il s'est passé tout un travail conceptuel qui fait que la loi définitive a été proposée par Euler vers le milieu du XVIIIe siècle. Mais ce qu'il faut absolument avoir en tête, c'est que dans cette formulation de la deuxième loi de Newton, il n'y a pas du tout de calcul différentiel. Il n'y en a pas, puisqu'il n'est pas encore inventé. Donc il n'y en a pas. Il y a simplement de la géométrie infinitésimale, mais ce n'est pas du calcul différentiel. Donc il n'y a pas non plus de la dénomination d'une accélération et de considération de ce type. Alors, la troisième loi, qui est une loi qui est introduite pour la première fois, parce que les autres, on pouvait toujours imaginer qu'elles existaient déjà un peu, c'est... L'action est toujours égale et opposée à la réaction, c'est-à-dire que les actions mutuelles de deux corps sont toujours égales et dirigées en sens contraire. Ça, c'est la loi de l'action et de la réaction, qui est absolument indispensable pour le système du monde, parce que le système du monde mettant en jeu la gravitation universelle, à partir de ce moment-là, les corps agissent les uns sur les autres, et pour agir les uns sur les autres, pour en faire une théorie, il est nécessaire d'avoir une loi d'action et de réaction. Et c'est pour ça que cette troisième loi est indispensable pour la construction de la gravitation universelle. Donc là, on a les trois lois de Newton qui permettent de construire et de réfléchir sur la mécanique rationnelle pendant tout le XVIIIe siècle. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Antoine Beauchamp, Céline Lozen, Ève Etienne, Mathieu Lefrançois, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc et Sarah Hijman, avec bien entendu Elisabeth Miro à la réalisation et Audrey Guélil à la technique. Rendez-vous demain dans la méthode scientifique du vendredi consacrée à l'actualité des sciences. D'ici là, vous avez rendez-vous avec Dugrain à Moudre à 18h20 sur le thème « Amérique latine, basta la révolution ». À 17h, LSD, la série documentaire est consacrée cette semaine au thème « Quand la création raconte le sida ». Aujourd'hui, hanter la forêt fantôme.